Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin. Madame de Fleurville était la mère de deux petites filles, bonnes, gentilles, aimables, et qui avaient l'une pour l'autre le plus tendre attachement. On voit souvent des frères et des sœurs se quereller, se contredire et venir se plaindre à leurs parents après s'être disputés de manière qu'il soit impossible de démêler de quel côté vient le coup d'œil. Le coup d'œil sur jamais l'histoire, on le recul vers une période passée ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le général de Gaulle a dit un jour, à la vive surprise de qui l'écoutait, que la phrase la plus mélancolique de la littérature française était à ses yeux celle qui ouvrait l'avant-dernier chapitre du livre de la comtesse de Ségur intitulé « Les vacances ». Je la cite « Les vacances étaient tout près de leur fin, les enfants s'aimaient de plus en plus ». Cette confidence d'un homme dont on ne l'aurait peut-être pas attendu m'a donné le goût de m'interroger avec vous sur l'étonnante pérennité, c'est-à-dire en somme sur l'actualité, de l'œuvre de la comtesse de Ségur, née Sophie Rostopchine. On vend encore chaque année 20 000 exemplaires des petites filles modèles, un phénomène qui peut surprendre d'autant plus que les 20 volumes de cette immortelle comtesse paraissent au premier regard profondément datés, marqués par l'esprit du Second Empire et portant des valeurs morales et sociales fort éloignées de notre temps. C'est à comprendre cette étrange modernité que nous allons nous attacher ce matin avec le concours de Laurent Theis, historien reconnu et avisé de ce 19e siècle, dont nous ne cesserons jamais d'épuiser la fécondité. Mais voici Madame de Pitré. N'imaginez surtout pas que Madame de Pitré, quoique descendante de la comtesse de Ségur, ressemble aux petites filles modèles. Elle est tout ce qu'il y a de plus élégante parisienne de l'époque. Mais vous savez, je suis la fille de Paul, le petit Paul des histoires. Paul, le cousin Paul, donc il y a du reste une petite effigie faite par sa mère ici, dans les vitrines de cette exposition. Est-ce que l'on compte dans la famille des souvenirs sur Madame de Ségur ? Oh mon Dieu, mon père a connu Madame de Ségur et il adorait sa grand-mère. Il avait une affection particulière pour elle. Et à travers lui, j'ai eu beaucoup de souvenirs. Et d'abord, j'ai des manuscrits et beaucoup de choses tangibles. Qui était-elle alors ? Pouvez-vous nous tracer en deux secondes le personnage qui était Madame de Ségur ? Madame de Ségur était une femme extrêmement vivante qui, si vous voulez, si on peut dire maintenant un refoulement, l'a eu peut-être, en ce sens que jusqu'à 57 ans, elle n'a pas pu s'exprimer car elle a eu une enfance durement réprimée. Elle a eu une vie de femme mariée pas très heureuse. Mais alors, à 57 ans, elle a explosé. Elle a explosé à travers toute son œuvre, car elle a écrit, comme vous le savez, 24 volumes en 12 ans. Et est-ce qu'elle s'est inspirée de toute sa petite nichée ? Mais bien sûr, d'abord, tout ce qu'elle a vécu était authentique. Et elle a simplement un peu enjambé les générations, puisqu'elle s'appelait Sophie, et qu'elle s'est fait jouer avec ses propres petites filles. Est-ce que vous croyez que si Madame de Ségur vivait à notre époque, elle écrirait et elle écrirait encore les petits modèles ? Je pense qu'elle écrirait des choses différentes sûrement, mais elle était une grande sportive et sûrement en avance sur son époque. Car lorsqu'on la voyait se promener en Normandie avec ses bottes, je vous assure qu'elle étonnait le voisinage. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui ressemble un peu dans la famille ? Peut-être vous, non ? On doit le dire. On doit le dire, il paraît. Mon père me le disait souvent, mais je suis ensuite flattée et c'est une lourde tâche. Laurent Theis, bonjour. Bonjour, Jean-Noël Jeannet. Nous venons d'entendre, vous l'avez compris, une interview de l'arrière-petite-fille de la comtesse de Ségur qui se livre au jeu qui nous est familier ici. Peut-on transposer la comtesse dans notre actualité ? Enfin, c'est une actualité déjà ancienne puisqu'on est en novembre 1958. Vous la retrouvez, votre chère comtesse, dans le propos de cette dame de 1958 qui en descend directement ? Il me semble avoir rencontré la comtesse de Pitré quand j'étais tout jeune homme. Je crois que une des vertus de la comtesse de Ségur, c'est de nous renvoyer au vert paradis des amitiés et des bonheurs enfantins, de nous proposer des valeurs, un paysage, une société très décalée par rapport à nous, et de nous fournir en quelque sorte une forme de réassurance morale en montrant qu'il fut un temps où les enfants obéissaient aux parents, où les classes sociales étaient chacune à leur place et où la société commençait à prospérer matériellement tout en gardant des vertus religieuses. Une réassurance, j'entends quelque chose comme l'ombre d'une nostalgie, Laurentaise, dans votre propos. Eh bien écoutez, cette nostalgie, vous l'avez admirablement exprimée, ou plutôt le général de Gaulle que vous avez cité, montre bien à quel point, en nous renvoyant à nos lectures d'enfance, nous renvoyons à notre propre nostalgie. Il y a une Séguro-nostalgie qui n'est pas douteuse. Alors, nostalgie ou pas, faisons ressurgir l'immortelle comtesse, si vous voulez bien, comtesse de Ségur, en rappelant ce qu'elle a été, qui elle a été. Son histoire s'enracine non seulement loin dans le temps, mais loin dans l'espace, puisque elle est russe d'origine. Elle est russe d'origine et, dit-on, elle est restée de tempérament. Nous verrons ça. Devenant tout à fait française. Elle est née dans un milieu aristocratique, d'une noblesse récente. Son père, Fiodor Rostopchine, avait été distingué par le tsar Paul Ier, dont il était devenu le favori, et par sa mère, qui était une dame d'honneur de Catherine II, Catherine Protassov, elle touchait à la très haute noblesse. Elle est donc née à la fois dans ce pays barbare, on disait même tartare, à l'époque du Premier Empire, elle est née en 1799, et en même temps, elle est quelqu'un qui, par son éducation, est déjà ouvert à une forme de cosmopolitisme. Une enfance marquée par le tumulte de l'histoire, par les drames, puisque son père, Rostopchine, était un familier du tsar assassiné. Alors, quand le tsar a été assassiné, la comtesse n'avait que 2 ans, et elle n'y est donc pour rien. Elle est surtout marquée par l'incendie de Moscou de novembre 1812, au moment où son père en était gouverneur, et a mis le feu, et elle a vu aussi le feu être mis par son propre père, au domaine familial de Voronovo, pour que les Français n'en conservent rien. En réalité, cet incendie n'a détruit qu'une toute petite partie du château. Mais enfin, c'est un souvenir qui marquera toute sa vie, Sophie Rostopchine. D'autant plus que, par son mariage, elle est attachée à la famille de Ségur, et son propre oncle, Philippe de Ségur, l'oncle de son mari, était à Moscou en 1812, au Kremlin, au moment où le gouverneur Rostopchine mettait le feu. De sorte qu'elle a eu des récits de l'incendie de Moscou, qui l'a beaucoup marqué, du coup, par son père et par sa famille d'épouse. Exil en France, après ces événements, beaucoup de Russes de la noblesse viennent, après la victoire des Alliés, dont les Russes sur Napoléon, viennent s'établir en France, et c'est là qu'elle épouse le comte de Ségur. Son père est une personnalité qui l'a visiblement marqué. Il passe dans les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, qui le décrit de la sorte. On a vu à Paris le comte Rostopchine, homme instruit et spirituel. Dans ses écrits, la pensée se cache sous une certaine bouffonnerie. Espèce de barbare policé, de poète ironique, dépravé même, capable de généreuses dispositions tout en méprisant les peuples et les rois. Les églises gothiques admettent dans leur grandeur des décorations grotesques. C'est peut-être une citation qu'il faut avoir en tête quand on parle de la comtesse de Ségur pour montrer à quel point finalement elle était beaucoup moins convenue que parfois, au moins à l'époque, on a voulu la dire. Il faut faire la part du stéréotype, néanmoins, dans la description de Chateaubriand, qui n'a jamais vu le comte Rostopchine de très près. Mais c'était une des attractions, en effet, du tout Paris, que l'arrivée de ces Russes, cousus d'or, un exil tout à fait doré, ils n'arrivaient pas dans la misère, ça n'était pas des réfugiés politiques, le comte Rostopchine est parti parce qu'en effet, il s'entendait mal avec le tsar Alexandre II, et il a été fêté à Paris comme un héros, car on considérait, notamment chez les gens de la Restauration, qu'avoir mis le feu devant Napoléon était un acte de bravoure qui méritait d'être honoré, et c'est ainsi qu'il a été présenté avec sa fille Sophie au roi Louis XVIII et reçu à la cour de France. Alors cette petite fille, qui est déjà une adolescente, va épouser un Ségur, du même coup s'enraciner dans une certaine aristocratie française, même si les Ségurs sont un peu déjetés à l'époque par rapport à celle-ci. C'est de la noblesse d'épée, les Ségur. Ils apparaissent au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles. Ils ont fourni 3 maréchaux de France. C'est donc par l'épée qu'ils se sont distingués. Et en effet, ce sont des originaux. Le grand-père d'Eugène, Louis-Philippe de Ségur, a rallié le consulat et l'Empire. Et Napoléon a fait de lui un grand maître des cérémonies pour redonner un peu de parfum d'ancien régime à la cour impériale qui en manquait singulièrement. De même, le père d'Eugène, Octave, s'est engagé, à la suite d'un chagrin conjugal, s'est engagé en 1804 comme simple soldat sous un faux nom, a disparu et n'est réapparu qu'en 1809 pour se suicider en 1818, c'est-à-dire l'année qui précède le mariage de la comtesse de Ségur avec Eugène, par chagrin d'amour. Il s'est lié les poignets, car il était très bon nageur, et il s'est jeté dans la Seine, Pont-Royal, en 1818. On comprend pourquoi, quand Sophie Rostopchine épouse le comte de Ségur, cela apparaît comme une alliance assez spécifique. Les Ségur ont perdu un peu de leur prestige dans ces milieux-là. Et oui, parce que le suicide du père a déteint ou a rejailli sur le fils. C'est une honte dans la famille. Et d'ailleurs, Félicité d'Aguesseau, c'est-à-dire la femme d'Octave de Ségur, est entrée au couvent. C'est une réminiscence qui restera, qui réapparaîtra dans l'œuvre de la comtesse de Ségur, ce grand malheur conjugal. Vous savez que dans matière conjugale, un peu difficile de s'exprimer tout à fait. Rien n'est jamais simple. Et où étaient les torts? Il est difficile d'en juger. Si vous le dites, je m'en remets à vous. L'influence de la Russie sera toujours forte sur la comtesse de Ségur. Et on la verra émerger lorsqu'à 57 ans, elle commencera à décrire. Le général Dourakine représente, incarne ses relations avec la Russie. D'ailleurs, relations compliquées puisque Sophie Rostopchine s'est toujours posée comme hostile au régime, à certains égards barbare à ses yeux. Je voudrais qu'on écoute dans cette fiction qui a été tirée de l'œuvre de la comtesse de Ségur, jouée par Jean-Pierre Lituac et Castagrin. C'est une archive qui remonte au 3 juillet 1959. Sac à papier, que ce voyage est long et fatigant. Dorigny, votre femme n'aurait pas quelques provisions? Un petit repas nous ferait passer le temps. Si, mon général, il y a un pâté, un jambon, du malaga, du poulet, des fruits. Bien, faites-nous passer tout cela. Je suis certain que Jacques et Paul ne seront pas fâchés de me tenir compagnie. Mais certainement, mes enfants seront ravis, général. Et pourquoi diable Madame Dorigny empêche-t-elle ces deux enfants de parler, de remuer? Je n'entends qu'il leur fait chut. Et ma femme craint que leur bavardage et leur rire vous dérangent. Me prenant donc pour un ogre, pour un tigre? Suis-je un monstre, un diable? Mais pas du tout, mon général. Mais depuis que nous avons quitté la France, ils n'ont cessé de vous poser des questions. Ils vous fatiguent. Du tout, du tout. Ce ne sont pas eux qui m'ennuient. Ce sont ces osmotiques. Faites-les donc marcher. Nous avançons comme des tortues. Mon cher Dorigny, je vous ai emmené de France en Russie pour être mon intendant. Il faut que vous appreniez à commander mon personnel. Dites à ces drôles, Durak, Skatina, Skarei. Durak, Skatina, Skarei. Vous voyez bien, ils ont compris cette fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Durak, Skatina, Skarei? Ça veut dire imbécile, animal, plus vite. C'est comme ça qu'il faut leur parler, si vous voulez être obéi. Et si cela ne réussit pas, 50 coups de verge. C'est comme ça que nous menons nos domestiques russes. Et permettez-moi de vous demander, en êtes-vous mieux servi? Horriblement mal. On ne les tient qu'avec des coups de bâton. Il me semble, mon général, si vous me permettez de vous dire ma pensée, qu'ils servent mal parce qu'ils n'aiment pas, et qu'ils ne s'attachent pas à cause des mauvais traitements. Bah, ce sont des brutes. Bon, pourquoi est-ce qu'ils s'arrêtent maintenant? Mes sacs à papier, mais nous sommes arrivés à Gromyline. Vous voyez le château? 20 000 hectares de bois, 10 000 de terres de labour, 20 000 de prairies. Oui, c'est une jolie terre. 4 000 paysans. Mais on vous attendait, général. Et tous ces hommes, toutes ces femmes font partie de votre personnel? Ils m'appartiennent. Et désormais, c'est vous qui les commanderez. Et n'hésitez pas à les faire fouetter quand ils le méritent. Hein. Cet extrait n'est pas libre de quelques stéréotypes, n'est-ce pas, Laurent Theis? Il est en effet conforme à ce que les lecteurs français attendaient certainement de la comtesse de Ségur, qui était née dans ce milieu. Naturellement, il est poussé à la caricature. C'est l'occasion pour la comtesse de Ségur de faire suivre au général Dourakine, qui rappelle son père, Fyodor Rostopchine, de faire parcourir une sorte de chemin de rédemption, puisqu'elle l'amène à la vraie religion. Il était déjà catholique, mais il était un catholique qui ne mettait pas sa foi tellement en pratique, puisqu'il fouettait les gens dont il était le propriétaire. Et peu à peu, notamment en venant s'installer en Normandie où il finira ses jours, eh bien, il comprendra comment les pauvres, comment les domestiques, comment les gens de la terre doivent être traités, c'est-à-dire, justement, sévèrement, mais aussi de voir en eux des frères en Dieu, ce qui n'était pas tout à fait le cas à Voronovo, alias Gromyline, et ses 4 000 paysans asservi. C'est l'occasion aussi de dire ou de marquer que l'influence de la littérature russe sur Sophie Rostopchine a été fort. Un des très bons livres qui lui sont consacrés, celui de Paul Loirette et de Marie-Josée Strich, insiste sur cela en voyant des parallèles avec Tolstoï, avec Tchekhov aussi, le décor un peu clos des émotions familiales. Je dirais avec Tourguenieff surtout. Parce que les Tourguenieff, père et fils, le fils étant le plus connu, mais le père était installé entre Londres et Paris, font partie de ces exilés qui, dans les années 1810, se sont installés résolument en Europe, quitte à faire des allers-retours, comme l'ont fait les Rostopchine, avec la Russie, et qui ont développé une vision à la fois littéraire et imagée, et quelquefois fantasmée, de cette Russie des origines. Il faudrait également citer, je pense, le voyage en Russie d'Astov de Kustin, qui est de 1836, sauf erreur. Immense succès de librairie. Immense succès de librairie, et qui a beaucoup marqué aussi les esprits français quant à la façon de considérer la Russie et les Russes, qui sont d'ailleurs deux choses différentes dans l'esprit de Sophie Rostopchine, qui a vis-à-vis des Russes une forme de tendresse, qui est au fond une auto-désignation, mais vis-à-vis de la Russie, de son régime et surtout de sa religion, une aversion très profonde. Quoi qu'il en soit, le domaine de Voronovo que vous évoquiez, qui a brûlé en grande partie, explique pourquoi une nostalgie qui est pérenne dans son esprit et dans son âme l'a conduit à souhaiter s'établir également à la campagne et comment elle est heureuse de trouver au château des Nouettes. C'est un château en Normandie près de l'Aigle. Voilà, c'est un château qui se trouve dans l'Orne et qui a été acheté, curieusement, au général Lefebvre des Nouettes qui, parce qu'il avait pris parti pour Napoléon autour de l'île Belle en soulevant sa division, avait été condamné à l'exil aux États-Unis et ça a été racheté donc à ce bonapartiste qui n'avait rien pour attirer la comtesse de Ségur et ses descendants. C'est là qu'elle s'est installée en 1822. C'est aujourd'hui un centre pour adolescents et pour enfants, ce qui n'aurait peut-être pas déplu à la comtesse. La comtesse l'avait déjà transformée, puisque c'est là qu'elle reçoit ses enfants d'abord, ses 7 enfants, puis ses petits-enfants, au nombre de 19, puisqu'elle les connaîtra tous, qu'elle transforme en une sorte de, au fond, de maison d'éducation, mais très différente des maisons de correction comme Maitrey, qui s'installait exactement à la même époque dans la même région, où là, il s'agit de bonifier les enfants par le bon air et la bonne nourriture de la campagne. Nous avons entendu cet extrait du général Dorakine. La nourriture et ses bienfaits, et aussi l'alcool, tiennent une grande place dans les préoccupations de la comtesse de Ségur. Pour elle-même, elle était extrêmement gourmande, et pour son entourage. Ce qui, aujourd'hui, peut surprendre, c'est le caractère très tardif de sa vocation littéraire, ou en tout cas, son émergence dans la littérature notoire, dans le commerce des livres, chez Hachette en particulier. Comment est-ce que ces choses s'expliquent? Comment est-ce que ça s'est passé, Laurent Theils? Ce qui précède de 1857, qui est la date de la première parution d'un ouvrage signé par la comtesse de Ségur, née Rostopchine. Elle a 58 ans. Elle a 58 ans. Jusque-là, elle a eu, je ne peux que faire que des hypothèses, elle a eu d'abord cette famille très lourde à supporter, car le mari Eugène, père de France, vivait pour l'essentiel à Paris, alors qu'elle-même était à la campagne, et elle était une campagnarde, Madame de Pitret l'a évoqué, extrêmement active, s'occupant du domaine, s'occupant des rapports avec les fermiers, avec le personnel de maison, qui était tout de même abondant, recevant beaucoup sa famille, mais pas seulement. D'autre part, peut-être aussi, a-t-elle tardé à lever des inhibitions qui faisait qu'une femme pouvait signer un livre d'elle-même. J'ai lu cela dans les excellents livres que vous avez aussi consultés. Je n'en suis pas si convaincu. Les précédents de femmes auteurs, et parfois jeunes, sont très abondants. On s'en remontait à Madame de Lafayette, Germaine de Staël, Madame Desbordes Valmore, Madame Amable Tastu, pour parler de la poésie, Georges Sand, Madame de Rémusat, juste avant Madame de Ségur, Henriette de Wittguisot. Enfin, le fait est qu'elle est entrée sur le tard en littérature. Je pense qu'elle était une conteuse merveilleuse vis-à-vis de ses petits-enfants, et peut-être même de ses enfants. Et tout a commencé par là, puisque les Nouveaux Contes de Fées sont son premier ouvrage, qui sont des contes que, dit-on, Louis Veillot, l'ami intime de la famille, a porté à Louis Hachette, début de 1857, en montrant ce que cette comtesse, qui n'était déjà connue parce qu'elle participait, parce qu'elle collaborait à une revue éditée par M. Lahure, qui s'appelait La Semaine des Enfants, je crois, où sous son nom, ou sous un pseudo, elle signait déjà des petits contes qui étaient distribués hebdomadairement aux enfants. Elle avait donc déjà été remarquée. Louis Veillot, qui est un grand écrivain catholique officiel, et qui la convainc de se rallier au moins du bout des lèvres au régime du Second Empire, alors qu'on a souvent montré qu'elle pouvait incarner peut-être une noblesse antérieure à l'époque de cet usurpateur à ses yeux. Je crois qu'elle a suivi le mouvement de l'Église catholique de France qui a trouvé dans le prince président un principe de stabilité et des arguments que la vie personnelle de le futur Napoléon III ne fournissait pas, mais qui étaient en accord après les horreurs réputées de la révolution de 1848, notamment de juillet 1848. Elle est quand même repliée à la campagne par rapport à la vie parisienne et alors, à la fête impériale. La vie parisienne, pour elle, est l'objet d'une détestation qu'on retrouve dans la plupart de ses ouvrages. C'est l'endroit où l'on se perd moralement, matériellement, où on ne va qu'en dernier recours. Par exemple, on le voit dans Jean qui grogne et Jean qui rit, ces enfants de Bretagne qui ne trouvent pas à s'employer sur place, débarquent. Prennent le train à Laval, débarquent à la gare Montparnasse, comme ont fait les bonnes bretonnes, avec un taux de suicide très élevé, vous savez, dans cet arrondissement, jusque dans les années 1960. Que se disputaient à l'époque les dirigeants des ligues de vertu et les proxénètes. Exactement. Et donc, ces enfants étaient envoyés en tremblant vers Paris parce qu'ils n'avaient pas de quoi les nourrir en Bretagne. Mais Paris est un lieu de perdition et les très bons aristocrates que chérit la comtesse de Ségur mettent un point d'honneur à aller le moins possible, ou peut-être jamais, à Paris. Dans François le Bossu, monsieur de Nancy, qui est le seul père époué, il est veuf, le seul père de famille véritablement actif dans l'œuvre de la comtesse de Ségur, réussit à imposer, ou à proposer, ou à rallier son fils François et sa belle-fille Christine Desormes à vivre toute l'année au château de Nancy, sans jamais mettre les pieds à Paris, où vont d'abord les Gourgandins, si ça existe, et les Gourgandines, qui existent. L'arrivée du Second Empire a peut-être néanmoins contribué à ça. Ce genre de distance n'aurait pas été aussi marquée à l'époque, évidemment, de la Restauration ou à l'époque même de la monarchie de Juillet. Oui, mais c'est vrai que la noblesse légitimiste a cherché des points d'appui dans les campagnes qu'elle avait perdues dans le domaine de la politique et de la société et de la finance. Alors, je ne voudrais pas vous faire attendre davantage avant d'entendre la voix de la comtesse de Ségur telle que on a pu la connaître à partir de ses premières publications, à partir de 1857. Écoutons un extrait d'un de ses livres les plus fameux, Les Malheurs de Sophie, que ne cite pas le général de Gaulle. Lui avait dans sa bibliothèque Un bon petit diable et L'auberge de l'ange gardien à Colombey. Écoutons cet extrait, c'est une archive de l'émission qui s'intitulait Le monde comme il va, de Georges Drouet, le 9 janvier 1957. Sophie, ta bonne t'a-t-elle raconté ce qui est arrivé à mes petits poissons? Oui, maman. Si ta bonne ne m'avait pas assuré que tu étais restée avec elle dans ta chambre depuis que tu m'as quittée, j'aurais pensé que c'est toi qui les as fait mourir. Tous les domestiques disent que ce n'est aucun d'eux. Mais je crois que le domestique Simon, qui était chargé de changer tous les matins l'eau et le sable de la cuvette, a voulu se débarrasser de cet ennui et qu'il a tué mes pauvres poissons pour ne plus avoir à les soigner. Aussi, je le renverrai demain. Oh maman, ce pauvre homme! Que deviendra-t-il avec sa femme et ses enfants? Tant pis pour lui. Il ne devait pas tuer mes petits poissons, qui ne lui avaient fait aucun mal, et qui l'a fait souffrir en les coupant en morceaux. Mais ce n'est pas lui, maman. Je vous assure que ce n'est pas lui. Comment sais-tu que ce n'est pas lui? Moi, je crois que c'est lui, que ce ne peut être que lui, et dès demain, je le ferai partir. Oh non, maman, ne le faites pas. C'est moi qui ai pris les petits poissons et qui les ai tués. Toi? Quelle folie! Toi qui aimais ces petits poissons, tu ne les aurais pas fait souffrir et mourir. Je vois bien que tu dis cela pour excuser Simon. Non, maman, je vous assure que c'est moi. Oui, c'est moi. Je voulais pas les tuer, je voulais seulement les saler. Je croyais que le sel ne leur ferait pas de mal. Je ne croyais pas non plus que de les couper leur fit mal parce qu'ils ne criaient pas. Mais quand je les ai vus morts, je les ai reportés dans leur cuvette sans que ma bonne qui travaillait m'ait vu sortir ni rentrer. Sophie, si j'avais appris par hasard, c'est-à-dire par la permission de Dieu qui punit toujours les méchants, ce que tu viens de me raconter, je t'aurais puni sans pitié et avec sévérité. Mais le bon sentiment qui t'a fait avouer ta faute pour excuser Simon te vaudra ton pardon. Je ne devrais donc pas de reproche, car je suis bien sûre que tu sens combien tu as été cruelle pour ces pauvres petits poissons. En ne réfléchissant pas d'abord que le sel devait les tuer, ensuite qu'il est impossible de couper et de tuer n'importe quelle bête sans qu'elle souffre. Ne pleure pas, Sophie. N'oublie pas qu'avouer tes fautes, c'est te les faire pardonner. Voilà la voix de la comtesse de Ségur, Laurent Theis. Et elle est de l'époque, et pourtant, elle trouve encore de l'attention aujourd'hui. Ses écrits trouvent des lecteurs abondants, je le disais tout à l'heure. Comment cela peut-il s'expliquer ? Je crois que ça s'explique en grande partie par le talent de la comtesse de Ségur, qui peut rendre intemporels des événements extrêmement incarnés d'un point de vue idéologique et social. Moi, j'y verrais une explication simple, c'est que c'est un univers rassurant. Nous avons dans cette séquence que nous venons d'entendre une liturgie parfaite. Il y a la faute, il y a l'aveu, il y a le repentir et il y a l'absolution. C'est-à-dire que du fait, du geste à l'issue, la conséquence est bonne. Voilà des repères qui sont très rassurants, que nous cherchons peut-être, consciemment ou non, à inculquer à nos enfants, que nous croyons avoir reçus de nos parents, je parle pour les plus âgés d'entre nous, c'est-à-dire vous et moi surtout. Et je crois que c'est ce contraste entre une morale qui se défait, dont on a nostalgie, et la façon dont elle est restituée en termes si simples, si accessibles, qui fait le charme, au sens propre, qui nous ensorcelle, parce que nous y voyons à la fois l'écho d'un passé disparu et par là même regrettable, et en même temps l'idée que ce monde que nous avons perdu n'a pas tout à fait disparu en nous, et que nous pouvons au moins essayer de le recréer par le fantasme, par l'image, par le souvenir, faute qu'il soit praticable dans le monde tel qu'il est. Ce qui permet de dépasser ce qu'il peut y avoir de très, très spécifique à cette période, la façon dont Sophie ou les petites filles modèles disent « ma bonne », on la voit passer, sa bonne dans cet extrait, c'est très très très loin. Écoutez, je crois que le miracle de la comtesse de Ségur, c'est de montrer ce qui ne change pas dans ce qui change, plutôt que ce qui change dans ce qui ne change pas. Et donc, ma bonne, c'est en effet quelque chose de perdu, qui date, mais qu'on a lu dans d'autres livres, qu'on a vu dans des films, et qui présente cet univers très sécurisé, qui fait qu'entre l'enfant et l'adulte, il y a la bonne, il y a le domestique, qui participe d'un côté de l'enfance, puisqu'elle est cantonnée à l'éducation d'un seul enfant, chaque enfant a sa bonne. Dans les familles désargentées, il y a peut-être une bonne pour deux, mais c'est déjà des choirs. Et le monde des adultes, qui lui est un autre monde pour ses enfants. Et je crois que là aussi, un des grands mérites de la comtesse de Ségur, c'est d'être capable d'inscrire un monde véritablement enfantin dans sa relation avec les adultes, alors que souvent, les enfants ne sont que des adultes en germination, comme les Christs du XIIIe siècle représentent déjà des adultes en croix. On voit, nous l'évoquons à propos de ma bonne, les hiérarchies sociales, y compris les hiérarchies qui marquent le monde des domestiques. Je pense à cette série à succès Downton Abbey. On voit ce jeu, comme on le voyait aussi dans La Règle du jeu de Jean Renoir, cette sorte de hiérarchie qui n'est pas simplement les uns et les autres, mais qui descend du haut jusqu'en bas. En bas, elle est incarnée par l'aide-jardinier, par exemple, et puis en haut, par la figure de l'intendant, qui joue un rôle considérable dans la comtesse de Ségur. Je voudrais, si vous me permettez, en donner deux exemples au moins. Comme celui de Dourakine tout à l'heure. Comme celui de Dourakine, par le bon d'Erigny, mais qui lui a une ascendance d'Erigny, ça pourrait s'écrire avec une apostrophe. D'Erigny, c'est presque une particule. C'est un homme qui est assimilé à la noblesse. Tandis qu'il y a, par exemple, dans Jean qui grogne et Jean qui rit, la maison du comte et de la comtesse de Crignan, où se trouve l'intendant Barcus, un basque, est-il précisé, je ne sais pas pourquoi on précise qu'il est basque, qui est un modèle de probité, et dont la première chose qu'il s'assure en recrutant le pauvre Jean, c'est qu'il va à la messe le samedi soir et dimanche matin. Et puis il y a d'autre côté l'intendant Boissec, dont le nom est tout un programme, chez le comte de Puffière, qui fait des fausses factures au détriment de son maître et qui enrôle Jean qui grogne, dit Jeannot, dans ses malversations qui conduiront ce dernier au bagne. Et donc le rôle de l'intendant est capital. Et selon qu'il est bon ou mauvais, eh bien, la maison elle-même est ordonnée vers le bien ou vers le mal. L'intendant est la représentation même de son maître. Les bons et les mauvais, on retrouve ça très directement dans les gens du peuple. Il y a les gentils et les méchants. Il y a ceux qui sont marqués presque dès l'enfance par une sorte de mal au front. Les gens du peuple, par identité, notamment aussi très des exceptions, les personnages de la comtesse de Ségur, je ne sais pas si on les a jamais dénombrés, ils sont très nombreux, même s'ils se répètent souvent les uns les autres. Les gens du peuple sont nés sur le seuil, sur les marges du mal, et sont, par destination, sont voués à y tomber. Sauf que des circonstances particulières, les maîtres, un bon curé, le bon curé est présent dans tous les ouvrages de la comtesse de Ségur sans exception, le bon curé, des rencontres, et surtout, je le répète, la prise en main par les maîtres de leurs domestiques, les transfigure et les élève, non pas au niveau des maîtres, c'est impossible. Mais il y a tout de même cette phrase de Gertrude dans Dilois le cheminot qui dit « Un bon ouvrier est supérieur un mauvais noble. Il y a d'ailleurs à cet égard un personnage spécialement intéressant, je trouve, qui est Gaspard, dans La Fortune de Gaspard. Il semble que c'est le roman qui a été réédité le plus souvent, à part avec des préfaces de sociologues, de grands intellectuels, pour montrer en effet un cas d'ascension sociale dans le milieu des campagnes, et qui marque aussi ce que la Comtesse de Ségur a pu percevoir de l'industrialisation des campagnes, avec ses deux fabriques, celle de M. Fröhlichheim, l'allemand, c'est le mal, et celle de M. Ferréor, qui passe du mal au bien. Avec d'ailleurs un échange assez savoureux, que je rappelle parce qu'il en dit long aussi sur des stéréotypes dans les campagnes. M. Fröhlichheim, voulant recruter Gaspard, dit au père de Gaspard, « Vous n'allez méfiez-vous de ce juif, celui de Ferréor. » Et le commis de M. Ferréor dit au père Thomas, pour les mêmes raisons, « Méfiez-vous de cet arabe. » Tiens donc. Voilà une concordance des temps qui me paraît nécessaire à saisir. Donc on voit cette industrialisation et les tourments qu'elle provoque dans les familles campagnardes, puisque peut-on aller à l'usine sans déchoir, sans abîmer son âme? Il faut écouter le père Thomas, ce paysan aviné et violent, mais qui incarne aussi des vertus campagnardes, qui se tue de travail. Le père de Gaspard. Voilà, ces fabriques qui vous rendent mauvais sujet et ces mécaniques qui vous mettent en pièces avec leurs rouages et leurs engrenages. Le monde de la Comtesse de Ségur est antérieur, au fond, à la seconde révolution industrielle. C'est encore un monde beaucoup plus rural. Elle ne parle jamais, parce qu'elle parle très peu de Paris, des centres industriels, comme on le trouvera un peu plus tard dans le Tour de la France par deux enfants. Là, il s'agit de ces fabriques qui sont appelées comme telles, c'est-à-dire d'un terme d'ancien régime, en réalité, du XVIIIe siècle, qui viennent distraire et proposer, dans des conditions très difficiles, où les moins bons succombent, qui vient proposer cette ascension sociale. Gaspard devient riche à millions, et de façon moins remarquée, dans Le Mauvais Génie, le jeune Julien, qui est un employé de ferme, très maltraité, très malheureux, orphelin, etc., est engagé par George Georgey, cet Irlandais, heureusement catholique, car sans ça, il serait inconcevable qu'il pénétrât dans le monde de la Comtesse de Ségur, s'il était protestant, et qui, à la fin du roman, établit une fabrique de laiton et de fil de fer à l'intérieur même du domaine de la ferme, chez ce père Bonnard, et le jeune Julien devient l'ouvrier principal, le contremaître, et bientôt le successeur, et il va s'épanouir dans les fils de fer et le laiton, parce que la campagne n'arrive plus à nourrir tous ses enfants. Il y a des personnages qui sont célébrés toujours par la Comtesse de Ségur, puisque c'est à elle que nous consacrons notre émission de ce matin, Laurent Theis, ce sont les gendarmes. La place du gendarme est notable. Les gendarmes sont à la mesure des voleurs, qui sont extrêmement nombreux chez la Comtesse de Ségur. Et donc, les voleurs sont poursuivis par une maréchaussée qui est rutilante, d'une part, par son uniforme, sur lequel on s'attarde, et d'autre part, par ses vertus morales. Top du top étant incarné par ce brigadier qu'on trouve dans La Sœur de Gribouille, et qui finit par épouser, justement, cette Sœur de Gribouille qui était tout voué au malheur, et ce brave brigadier pour lequel le jeune Gribouille a sacrifié sa vie, est un bon chrétien, un homme d'autorité, courageux physiquement, et qui incarne des vertus qui sont rappelées souvent comme étant toutes françaises, car il faut bien souligner que la Comtesse de Ségur est très facilement xénophobe. Elle l'est notamment lorsqu'elle assimile l'avarice. Les rapports avec l'argent méritent aussi d'être considérés dans l'œuvre de la Comtesse de Ségur. Lorsqu'elle assimile l'avarice à une personnalité bien connue, qui est une personnalité évidemment écossaise, Madame MacMiche. Il faut dire que dans son domaine de Voronovo, elle avait vu arriver dans les années 1805 ou 1810 un couple d'Écossais qui était chargé de l'intendance, là encore, qui s'appelait les Patterson, dont on n'avait pas gardé un très bon souvenir. Alors sur Madame MacMiche, dans le fameux personnage de Un bon petit diable, il faut rappeler qu'elle détourne de l'argent qui lui a été confié pour élever le jeune Charles. Madame MacMiche apparaît dans ce téléfilm du Théâtre de la Jeunesse de Claude Santelli, une adaptation de Michel Subiella réalisée par Jean-Paul Carrère en 1961. Un bon petit diable. Madame MacMiche, j'ai bien reçu votre lettre me demandant. Il ne fait pas chaud non plus chez vous. Vous ne faites pas encore de feu. Le feu mange du bois, et le bois coûte de l'argent. Il vaut mieux donner de l'exercice pour se réchauffer que de rester assis à regarder ses économies partir en fumée. Bon, eh bien, à propos d'économie, je vous disais que j'avais reçu votre lettre, et comme je passais justement à proximité de votre quartier, j'ai fait un détour pour venir vous voir. Alors, et de quoi s'agit-il? De bien peu de choses, hélas. Je ne suis qu'une pauvre vieille femme, vous le savez. Et que d'affreuses circonstances ont réduite à la misère. Oh, oh, oh, oh. Si. Mais je suis prévoyante. À force de privations et de calculs, j'ai pu faire quelques petites... très petites économies. Et vous aimeriez que je m'occupe de les faire fructifier, je pense. C'est cela. Il ne manque pas de personnes qui ont besoin d'emprunter de l'argent et qui seraient heureuses d'en trouver, moyennant des intérêts. Et sans doute. Il s'agirait de me confier une somme de... Encore faut-il que ces gens soient honnêtes. Mais assurément, c'est mon rôle de les bien choisir. Vous disposez de combien? Et qu'ils acceptent de verser de gros intérêts. Oh, Madame MacMich, comme vous y allez. Si les gens empruntent, c'est qu'ils sont pauvres, en général. Proposer un prêt à des taux élevés les découragerait. Ce ne serait ni habile, ni charitable. Si vous n'imaginez pas le mal que j'ai eu pour amasser ces quelques sous. De combien disposez-vous? De peu. De très peu. Il me faudrait tout de même un chiffre. C'est tous les mêmes. Mais certainement, vous ne trouverez pas un notaire qui ne vous pose cette question. Elle est indispensable. 50 000 livres. 50... Vous avez dit 50 000 livres? Ben, vous êtes modeste, Madame MacMich. C'est ce que vous appelez de petites économies. Ben, je comprends qu'il vous tarde de changer votre vie. Qui vous parle de ça? Je n'y toucherai jamais, ni capital, ni intérêt. Non. Pourquoi? Cet argent n'est pas à vous? Comment aurait de l'argent qui ne serait pas à moi? Mais je ne sais pas, moi. Je savais que mon client, M. McLance, avait retiré 50 000 livres de mon étude, peu de temps avant de mourir, dans l'intention d'acheter une ferme. Alors je pense que, vous ayant fait tutrice de son petit Charles, il vous a confié cette somme pour l'élever et pour l'installer dans la vie. Sortez, M. Blandet! Sortez! Qu'est-ce que vous avez dit? Pas un sou, il ne m'a pas laissé un sou, vous m'entendez? Rien! Ce que je donne à cet enfant, je dois m'en priver! Et vous venez de prétendre! Sortez! La comtesse de Ségur a lu visiblement Molière, Laurent Theis. Ah oui, c'est vrai qu'elle reprend beaucoup de schémas de la comédie du XVIIe siècle, on l'a noté souvent. Il ne faut pas croire que pour la comtesse de Ségur, l'argent soit un fardeau. Non, au contraire, c'est quelqu'un qui accorde une immense place à l'argent dans sa description du milieu social. Les riches sont riches parce que la Providence l'a voulu. On ne connaît jamais l'origine des fortunes. Mais l'aristocratie se définit aussi par la possession de l'argent. Tout repose sur l'usage qu'elle en fait. Si Madame MacMich est si méprisable, si détestable, ce n'est pas parce qu'elle est riche, c'est parce qu'elle fait un mauvais usage, ou plutôt aucun usage de son argent, alors qu'au contraire, la comtesse de Ségur est un panier percé. Mais on remarque que la comtesse de Ségur, chaque fois qu'elle décrit un mariage, chaque fois qu'elle décrit une position sociale, assortit des rentes qui sont attachées à ses personnalités, même dans des cas où ça n'a aucune information qui change le cours des événements. Il faut toujours savoir à quel niveau de fortune on est, parce que cela définit le niveau social auquel on appartient. Mais on est un peu surpris d'apprendre qu'elle a été contrainte, à son grand chagrin, qu'elle a été contrainte à la fin de sa vie de vendre son château des Nouettes, alors que son succès, le succès de ses œuvres, aurait dû contrat éventuel avec Hachette, puisque la bibliothèque Rose était très présente dans la bibliothèque de gare. Normalement, ces contrats auraient dû lui assurer plus qu'une aisance. Oui, enfin, la comtesse de Ségur n'a jamais manqué de rien. Elle était pauvre par rapport aux riches, mais riche par rapport aux pauvres. Et d'autre part, son domaine a dû être excessivement mal géré. Alors, il n'empêche qu'en effet, ces livres ne lui ont pas rapporté ce qu'on pourrait penser qu'ils rapporteraient aujourd'hui à des auteurs ayant les mêmes tirages et les mêmes ventes. Bien, les pratiques de l'édition, que je ne défends certes pas, les pratiques de l'édition à l'époque étaient autres. On achetait les livres à forfait. Louis Hachette a commencé à acheter les livres de la comtesse de Ségur à 500 francs l'exemplaire, qui était le tarif pratiqué pour Zénaïque Fleuriot, pour Madame de Witt, pour Flaubert, qui touchait un peu moins, pour Victor Hugo. Mais jamais, en effet, on a attaché sa rémunération au nombre d'exemplaires tirés. Ce sont des pratiques contractuelles qui ne sont apparues que véritablement à la fin du Second Empire. Et ce sont ses héritiers qui, eux, en ont très très largement bénéficié. Le mieux qu'elle a pu faire, c'est de toucher 3 000 francs par volume. Comme elle en écrivait quand même deux par an, c'était des revenus complémentaires qui s'ajoutaient à d'autres revenus. Son mari, il faut que le rappeler, qui est mort en 1863, était président du conseil d'administration de la Compagnie des chemins de fer de l'Est. Et c'est d'ailleurs grâce à la comtesse de Ségur, via son mari, que Louis Hachette a obtenu la concession des bibliothèques de gare en 1856. Alors, à propos de Madame MacMich, du stéréotype de l'Écossaise, je voudrais maintenant que nous regardions la manière dont la comtesse de Ségur, dans ses livres, entretient des clichés ou des stéréotypes. Quel regard jette-t-elle sur les étrangers? Elle n'aime pas du tout, non seulement les Écossais, mais les Anglais. Je vois que dans les vacances, le marin Lecomte raconte comment il a été libéré de son île par un navire anglais, et il dit « Au lieu de m'aider et de me vêtir, car j'étais nu, sauf votre respect, ces brigands-là se détournaient de moi avec un « Oh, shocking, shocking !» Et quand ils m'ont débarqué au Havre, ils ne m'ont laissé que ces méchants habits et pas un shilling avec. » mais je n'aurais pas voulu de leur diable d'argent anglais. L'anglais, ça ne va pas avec le français. Si jamais je les rencontre, ceux-là, et que je puisse leur frotter leurs épaules... » Son capitaine, le commandant de Rosbourg, ajoute « Laissons le bon Dieu leur donner une lessive dans leurs Indes. » On est en pleine révolte des cipayes, et en effet, la domination anglaise dans cette région de l'Inde est mise à mal par cette révolte terrible. On trouverait d'autres exemples. Par exemple, le fermier breton Kersak va à Paris faire des courses au grand magasin du Louvre pour acheter un châle à sa future femme. Et il se fait présenter beaucoup de châles, et il dit « Présentez-moi des châles, mais surtout pas d'anglais ». Les Anglais sont toujours en retard, dit-il dans l'auberge de l'Ange Gardien. Je rappelle que De Gaulle avait ce livre à portée de main. Oui. Je ne parle pas des Anglais qui, selon leur habitude, se sont trouvés en retard parce que leur roast beef et leur pudding n'étaient pas cuits. Mais voyons aussi la manière dont la comtesse a réagi aux événements d'Italie. D'abord l'unité italienne et ensuite le pape chassé de ses états. Vous avez souhaité, je ne le dissimulerai pas, vous avez souhaité... Laurentès, que nous écoutions la chanson qui doit remonter à peu près à 1900, qui s'appelle « Le zouave de ma grand-mère », interprétée par Jeanne Aubert. Une chanson de Henri Bataille et Henri Verdun. Vous allez nous expliquer pourquoi ce choix, pourquoi ce désir de l'entendre. En 1860, ma grand-mère épousa un zouave d'allure fringante, retour de Magenta. Sa moustache trop blonde, sa barbe de sapeur, faisait vers ce vainqueur voltiger tous les cœurs. Si le zouave de ma grand-mère, est venu, venu mon grand-papa, c'est que tous deux sympathisèrent, car grand-père, grand-père, quand grand-maman le vit, son petit cœur frémit. Mais ce qui la charma, ce qui fit qu'elle aima, ce ne fut pas sa culotte bouffante, ce ne fut pas ses brisques sur le bras, ce ne fut pas sa barbe frisonnante, mais ce fut le pompon de sa chéchia. Grand-papa de service au camp de Mourmelon fit sur l'impératrice une très grosse impression. Par un charmant caprice, l'empereur elle exigea qu'on sculpte un grand-papa, c'est le zouave du pont de l'Alma. Si le zouave de ma grand-mère est venu, venu mon grand-papa, c'est que tous deux sympathisèrent, car grand-père, grand-père était bougon. Quand grand-maman le vit, son petit cœur frémit, mais ce qui la charma, ce qui fit qu'elle aima, ce ne fut pas sa culotte bouffante, ce ne fut pas ses brisques sur le bras, ce ne fut pas sa barbe frisonnante, mais ce fut le pompon de sa chichia. Moi j'en suis très fière, même encore de nos jours, devant la statue de grand-père, les femmes vibrées d'amour. À toi beau militaire, s'écrit-elle du haut, je me donnerai s'il le faut, même les pieds dans l'eau. Si le zouave de ma grand-mère, est venu, venu mon grand-papa, c'est que tous deux sympathisèrent. Car grand-père, grand-père était beau grand. Quand grand-maman le vit, son petit cœur frémit. Mais ce qui la charma, ce qui fit qu'elle aima, ce ne fut pas sa culotte bouffante, ce ne fut pas ses brisques sur le bras, ta-ra-ta-ta. Ce ne fut pas sa barbe frisonnante, mais ce fut le pompon de sa chéchia. Alors, Laurentès, pourquoi avez-vous souhaité que nous fassions entendre cette chanson à nos auditeurs et à nos auditrices? Vous la trouvez pas magnifique, cette chanson? Mais si, mais en dehors de cette... Il y en a beaucoup d'autres qui sont très belles et que nous ne ferons pas entendre ce matin. Eh bien, c'est très bien d'avoir sauvé celle-là. On pourrait dire qu'elle a été écrite par la petite fille du sergent Moutier, qui est un des personnages principaux de l'auberge de l'Ange Gardien, qui, vous le savez, est apparu en 1863, c'est-à-dire 7 ans après la conclusion de la guerre de Crimée. Et le sergent Moutier avait épousé Elfie Blido, qui était une des tenancières de l'auberge de l'Ange Gardien, avec sa sœur aînée, Madame Blido, qui a épousé l'intendant d'Hérigny, qui est devenu l'intendant du général d'Ourraquin. J'allais vous le dire. Et merci de cette confirmation. Et le sergent Moutier s'est réengagé au moment de la guerre de Crimée dans les Zouaves. Et il a été, en effet, il a débarqué à Gallipoli, il a été ensuite de toutes les batailles, notamment de la bataille de l'Alma, qui remonte au 20 septembre 1854, c'est presque un anniversaire, où il a fait le siège de Sébastopol, où il a capturé le général Dourakine, et il a été blessé à Malakoff. C'est donc l'incarnation du Zouave parfait, qui incarne ses vertus toutes militaires, avec ce prestige de l'uniforme qui, quand il est revenu en Normandie, près de l'Aigle, après la campagne, évidemment, a ébarnouflé tous les villageois qui ont vu arriver ce titulaire de la Légion d'honneur avec sa culotte bouffante et sans doute cette barbe frisottante. Mais ça fait penser aussi aux Zouaves du pont de l'Alma, d'une part, qui est érigé à la fin du Second Empire, à la fin des années 60, si j'ai bonne mémoire, et d'autre part aux Zouaves pontificaux. Alors, après l'auberge de l'Ange Gardien, nous trouvons une seconde catégorie de Zouaves qui n'est pas tout à fait la même. Vous savez qu'en 1867, l'indépendance italienne, l'État italien ayant été proclamé en 1861, en 1867, bref, Garibaldi a tenté une expédition contre Rome pour que les États du pape intègrent la nouvelle république, le nouveau royaume italien. Et là, les Français du Second Empire, on est alors dans l'Empire qui reflirte avec l'Église catholique, a envoyé une légion française pour protéger le pape, commandée par le général de Failly, qui a eu cette phrase admirable, après la bataille de Mantana dont nous allons parler, les chassepots ont fait merveille. Et les autres ont dit que Mantana avait tué Magenta, voilà. Magenta étant la grande victoire française de l'indépendance italienne. Voilà. Alors là, la comtesse de Ségur, si j'ose dire, a soutenu le patriotisme italien dans François le Bossu, où apparaît un jeune médecin italien, Paolo Peroni, qui est un rescapé d'un massacre épouvantable commis par Radetzky en 1848, avant son entrée à Milan, après la bataille de Custoza. Mais entre 1848 et 1860, se sont produits des événements qui sont l'expédition d'Italie que les ultramontains, emmenés par Louis Veuillot, mais aussi par le propre fils de la comtesse, Gaston de Ségur, qui était à ce moment-là un haut dignitaire romain. Il avait rêvé d'être cardinal. Vivant à Rome, oui, qui était auditeur du tribunal de la Rote, et que sa cécité a empêché d'être cardinal. Du coup, la comtesse de Ségur a vu de beaucoup, avec un œil beaucoup moins favorable, les tenants de l'indépendance et de l'unité italienne. Et en 1867, une légion a été recrutée par le pape en France, dans laquelle Jacques, son petit-fils Jacques de Pitré, qui s'appelle dans cette affaire Jacques de Belmont, s'est engagé, à la veille de se marier avec la belle Geneviève d'Ormère, s'est engagé dans les Zouaves pontificaux, avec ce qui est une concession tout à fait étonnante faite à côté de Ségur, à une actualité, avec son nègre, c'est ainsi qu'il faut l'appeler, et domestique, Ramon Ramor, qui est lui aussi, venant de l'Amérique, après être né en Afrique, reçoit un coup de fusil qui sauve son maître dans le combat de Mantana, qui remonte au 3 novembre 1867, et qui est la seule victoire d'ailleurs remportée par cette légion romaine, et qui évidemment clôt le roman Après la pluie, le beau temps, sachant que le pape Pie IX donne sa bénédiction au jeune couple. Et le pape Pie IX était très proche de Gaston de Ségur, qui était son ami intime, et la comtesse de Ségur, en 1852, a frié de près avec ce pape-là. C'est là qu'on retrouve votre zouave de ma grand-mère. Alors le zouave de ma grand-mère, c'est plutôt le zouave de l'Alma, donc celui de la guerre de Crimée, mais il se renforce d'un autre zouave, qui est celui de Mantana, qui en effet a porté haut, en tout cas, l'ultramontanisme français, à un moment où il devient extrêmement envahissant dans le Second Empire. Les zouaves pontificales. Le zouave pontifical, qui est resté dans l'imagerie populaire, bien qu'il ait depuis lors été remplacé par les gardes suisses. Je voudrais que nous terminions cette émission consacrée à la comtesse de Ségur, Laurent Theis, en évoquant son destin posthume. Parce qu'au fond, beaucoup des contemporains auraient cru que son œuvre était destinée à se flétrir et à disparaître avec les générations qui y avaient pris goût. Et ce n'est pas du tout le cas. Par exemple, on trouve assez facilement des grands auteurs du XXe siècle qui ont été inspiré par la comtesse de Ségur. Mauriac est un véritable ravissement qu'il exprime par la voix du narrateur de son roman La robe prétexte. La comtesse de Ségur me transportait tout éveillée à l'ombre des vergers de la campagne normande où déjà les petites filles modèles avaient des cœurs troublés de puériles amitiés et de douces querelles. Les cœurs troublés, ça annonce déjà une lecture un peu différente de la comtesse de Ségur, qui est peut-être celle d'Aragon aussi, dont on dit qu'à 7 ans, il a écrit son premier roman à la manière de la comtesse de Ségur. Alors, ce qui est intéressant dans ce destin posthume, c'est le passage du monde des enfants au monde adulte. Alors, ne croyons pas que ce livre ait été lu par les enfants d'âge des petits-enfants de la comtesse de Ségur. Ce ne sont pas les enfants de 7 à 11 ans, à mon sens, qui, dès leur parution, ont lu ces livres. Ces livres ont été lus, comme ils m'ont été d'ailleurs pour moi-même, ont été lus par les grandes sœurs et les grands frères, ou par les parents, à l'heure du goûter, ou quand on faisait dîner les enfants, avant d'aller les coucher, et avant naturellement le dîner des adultes. Moi je l'ai lu, moi j'ai lu dans la collection la Bibliothèque Rose Illustrée, oui. J'ai apporté ici l'exemplaire bien entendu. Conservé dans ma famille, voilà. Les vacances. Nous sommes nombreux à posséder encore ces exemplaires, maintes fois réimprimés. Rouge et or. Mais je ne crois pas que les enfants l'avaient dans leur bibliothèque d'enfance, et qu'on pouvait les lire à discrétion. Parce qu'ils contiennent en effet des scènes qui ont besoin d'être expliquées et commentées. Par exemple ? Eh bien, par exemple, les fessées terribles administrées par les parents, par les domestiques, par les... La comtesse fouette beaucoup. La comtesse fouette beaucoup, en partie parce qu'elle a peut-être été fouettée par sa mère ou par les domestiques de sa mère, Catherine Protasoff, parce qu'aussi on fouette beaucoup sous le Second Empire sans avoir besoin de faire le détour par la Russie. Mais enfin, il est très rare dans la littérature enfantine qu'on voit un mari battre sa femme jusqu'à la laisser quasiment évanouie, comme fait Monsieur de Réan vis-à-vis de son épouse, Madame Ficini. Et d'ailleurs, il en meurt peu après. Sophie Ficini, parce qu'elle a pris le nom de sa belle-mère. Parce qu'elle a pris le nom de sa belle-mère à la suite d'un héritage. Nous voyons, et Madame Ficini s'est repentie sur la fin de sa vie, et Sophie lui a pardonné. Mais nous voyons bien comment Comtesse de Ségur entre dans le monde des adultes, j'imagine, dans les années 1880-1890, je pense que ces livres, je suis même sûr, ont servi en partie, en dépit de leur contenu ultra-religieux, dans la pédagogie des écoles de la République. Certainement par Mostre Choisy, il en est d'autres qu'on ne prenait pas. Je serais très étonné qu'on ait pris Pauvre Blaise, qui est décrit comme le cinquième évangile, tant c'est pétri, c'est confit en dévotion. Mais en revanche, on trouverait dans La Fortune de Gaspard, précisément, ou dans Le Mauvais Génie, une morale toute républicaine, qui est celle qui veut que, si on se conduit bien, eh bien, le bonheur ne manquera pas de s'en suivre. Et se conduire bien vient de l'instruction qui est donnée aux enfants. Le destin posthume de la comtesse de Ségur au XXe siècle est marqué aussi par l'accent mis par un certain nombre d'auteurs sur son potentiel sadisme. C'est Jacques Laurent, dans un article de la Table Ronde, qui en a parlé le premier. Et cela explique que l'excellente romancière Paul Constant ait pu écrire, elle a très bien parlé de la comtesse de Ségur, que celle-ci a connu purgatoire de la mièvrerie et enfer du sadisme. C'est une phrase qui mérite d'être commentée, non ? Je pense que l'enfer du sadisme est un des éléments qui a contribué, à mesure que les générations défilaient, au succès de la comtesse de Ségur. Parce que les coups portés, bon, il y a encore Jules Renard qui en reçoit, Paul de Carotte, mais enfin, les coups portés à l'enfant sont devenus une rareté, bientôt une obscénité, et enfin un délit. Alors que, sous le Second Empire, je ne pense pas qu'il y ait eu une nostalgie de certains parents sadiques à évoquer une période où on pouvait frapper les enfants sans être réprimé par les gendarmes, par l'instituteur ou par les magistrats. Mais néanmoins, c'est vrai qu'elle n'y va pas de main morte, non seulement sur les enfants, mais aussi sur les animaux. Il faut voir ce que Cadichon reçoit, il faut voir ce que le chien Biribi reçoit aussi, ce que les poissons rouges qui ont été salés et coupés en morceaux. Bref, tout ce monde est un monde très physique où la cruauté, au fond la méchanceté, est traduite en actes extrêmement crus, extrêmement directs. Il n'y a pas que les poissons rouges de la petite Sophie qui sont coupés en morceaux. Non, il y a des animaux d'essence supérieure, comme les chiens, comme les chevaux, et comme aussi ces poulets crève-cœur, ces ravissants poulets que la jeune comtesse de Trénillé avait donné au pauvre Blaise et que le méchant Jules de Trénillé, avant d'être converti par son fils de portier Blaise, avait noyé dans un étang, mais que la Providence a ressuscité en les mettant dans un tas de cendres. Je voudrais que nous disions au revoir à la comtesse de Ségur en écoutant un extrait des Petites Filles modèles. Elles étaient très présentes. Je vous ai fait entendre Sophie, qui était un peu dissipée tout à l'heure, qui coupait ses poissons rouges. Voici les Petites Filles modèles. C'est peut-être plutôt du côté de la mièvrerie dont parlait Paul Constant que du côté du sadisme dissimulé. Enfin, vous allez juger un extrait lu par René Clermont le 24 octobre 1961. Madame de Fleurville était la mère de deux petites filles, bonnes, gentilles, aimables, et qui avaient l'une pour l'autre le plus tendre attachement. On voit souvent des frères et des sœurs se quereller, se contredire, et venir se plaindre à leurs parents après s'être disputés de manière qu'il soit impossible de démêler de quel côté vient le premier tort. Jamais on n'entendait une discussion entre Camille et Madeleine. Tantôt l'une, tantôt l'autre, cédait au désir exprimé par sa sœur. Pourtant, leurs goûts n'étaient pas exactement les mêmes. Camille, plus âgée d'un an que Madeleine, avait 8 ans. Plus vive, plus étourdie, préférant les jeux bruyants aux jeux tranquilles, elle aimait à courir, à faire et à entendre du tapage. Jamais elle ne s'amusait autant que lorsqu'il y avait une grande réunion d'enfants qui lui permettait de se livrer sans réserve à ses jeux favoris. Madeleine préférait au contraire, à tout ce joyeux tapage, les soins qu'elle donnait à sa poupée et à celle de Camille, qui, sans Madeleine, eût risqué souvent de passer la nuit sur une chaise et de ne changer de linge et de robe que tous les 3 ou 4 jours. Mais la différence de leur goût n'empêchait pas leur parfaite union. Madeleine abandonnait avec plaisir son livre ou sa poupée dès que sa sœur exprimait le désir de se promener ou de courir. Camille, de son côté, sacrifiait son amour pour la promenade et pour la chasse aux papillons dès que Madeleine témoignait l'envie de se livrer à des amusements plus calmes. Elles étaient parfaitement heureuses, ces bonnes petites sœurs, et leur maman les aimait tendrement. Toutes les personnes qui les connaissaient les aimaient aussi et cherchaient à leur faire plaisir. Nous les retrouvons pour finir, ces petites filles modèles. Bien, parce qu'elles commencent le cycle des romans de la Côte des Ségures. Et en même temps, ce roman le clôt, parce qu'il contient tous les tenants et aboutissants. La religion, la pédagogie, l'affection, la famille, la campagne. Alors, on retrouve là naturellement Camille et Madeleine qui ont réellement existé, hein, qui étaient les filles de Nathalie de Malaret, qui était la fille aînée de Madame de Ségur. On retrouve également les jumelles de Madame de Ségur elle-même, c'est-à-dire Sabine et Henriette. Mais on ne peut pas s'empêcher, surtout quand on est dans l'immersion religieuse telle que Gaston de Ségur avait plongé sa propre mère, c'est évidemment le couple évangélique Marthe et Marie. Merci Laurent Theis. Quelques indications bibliographiques. Pierre Bléton a fait en 1963 et publié un livre qui s'appelle « La vie sociale sous le Second Empire », un étonnant témoignage de la comtesse de Ségur, des premiers regards à caractère social sur cette œuvre. Paul Loirette et Marie-Josée Strich ont publié un livre que j'ai cité, « Chemin faisant », et qui est également très stimulant, qui s'appelle « Sur les pas de la comtesse de Ségur », publié chez Gallimard en 2005. Et puis je tiens à signaler votre ouvrage qui paraît ces jours-ci, à CNRS Éditions, Laurent Theis, Guizot, « La traversée d'un siècle ». Il y a naturellement un chapitre sur l'éducation et la pédagogie que la comtesse de Ségur considère, du côté catholique notamment, avec beaucoup de sévérité. Eh bien, il en trouve dans ses ouvrages une description du double enseignement, celui donné dans les collèges jésuites aux enfants de l'aristocratie, et dont d'ailleurs les méchants sont rapidement chassés, et puis l'école primaire à la campagne, qui se débrouille comme elle peut, et entre les deux, les pensions payantes, notamment la pension des jeunes savants à Paris, dont la description est absolument hallucinante de violence, puisque par la comtesse, l'élève innocent Gargilier étant manqué d'être assassiné par ses camarades de la façon la plus terrible qui soit. La bibliographie est plus riche que significative d'ailleurs d'une réémergence de la figure de la comtesse aujourd'hui. Vous trouverez cette bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés, dont votre zouave, mon cher Laurent Theis. Et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec Vincent Ronet à la prise de son, Antoine Vuillose et Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archivinas, Sandra Escamez.